Chapitre 347, l'interdiction de s'asseoir sur les tombes. 1766. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Il vaut mieux pour l'un d'entre vous qu'il s'assoie sur une braise qui brûle ses vêtements puis atteint sa peau, plutôt que de s'asseoir sur une tombe. » Muslim.